Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la Vampire Freaks avec Spike. C'est la 145e et c'est une spéciale. Et on va trouver du vinyle, du live, du vinyle live, de la cassette, enfin bref, tout un tas de choses. On commencera tout de suite avec Seize the Day en live de Avenged Sevenfold. C'est sur l'album City of Evil, leur troisième album, sorti le 6 juin 2005. On retrouve Burn It Down, Sidewinder et Bout Country. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Captain Audi en vinyle de Twisted Sister. C'est sur l'album Stay Hungry, sorti le 10 mai 1984. On retrouve Burn In Hell, The Price and The Beast, un classique du glam rock. On écoutera ensuite Baby Love en vinyle de Diana Ross and the Supreme. C'est sur l'album Where Did Our Love Go, leur deuxième album sorti le 31 août 1964. On retrouve Run Run Run, Come See About Me, Your Kiss of Fire, du son d'anthologie. On écoutera ensuite une nouveauté, Only One, le nouveau Roots Melody, c'est le single d'un EP à sortir. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et YouTube pour l'instant, et bientôt sur les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live, avec Traveling Band de Creedence Clearwater Revival. C'est sur l'album Cosmos Factory, leur cinquième album sorti le 25 juillet 1970. On retrouve Before You Accuse Me, Up Around the Bend et We'll Stop the Rain, du son. To make people wake up. child scream sliced through the air, but no one came or seemed to care. Afrique chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Yeah. Vous êtes toujours dans la 145e Vampire Freaks édition spéciale. On vient de s'écouter Seize the Day en live de Avenged Sevenfold. On a eu ensuite Captain Audi en vinyle de Twisted Sister. On a eu aussi ensuite Baby Love en vinyle de Diana Ross and the Supreme. On a eu ensuite une nouveauté Only One, le nouveau Roots Melody. Et on a fini ce bloc en live avec Traveling Band de Creedence Clearwater Revival. On continuera cette émission en live avec Magic Bus de Dewoo. C'est sur l'album Live at Leeds sorti le 16 mai 1970. C'était pour la promotion de l'opéra rock Tommy. On retrouve Young Man Blues, Shaking All Over et My Generation du son culte. On écoutera ensuite une autre nouveauté, La Bohème et Satan. C'est le nouveau Vaudou Joséphine. C'est sur leur premier EP, 6 titres, Vaudou Joséphine. On retrouve On est comme on est, avec NAIT comme naître. On a La Lune est pleine, La Bohème et Satan, Antidouleur, Hello et Tout Seul. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud, YouTube. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On écoutera ensuite Last Night en vinyle de Traveling Wilburys. C'est sur le volume 1, c'est le premier des deux albums sortis le 18 octobre 1988. On retrouve Handle With Care, Eating the Night et Twitter and the Monkey Man. Donc à la base, Traveling Wilburys, c'est un super groupe composé de Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison et le batteur Jim Keltner. On écoutera ensuite un petit 45 tours Peuple du Monde de Tonton David. C'est sorti en 91, c'est sur son premier album Blues des Racailles. Sorti le 31 octobre 1991, on retrouve à qui la faute, ils ont appelé la police pour moi. Et sur ce 45 tours, on retrouve Peuple du Monde et un peu de sport. Et on finira ce bloc en live et en vinyle avec Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. C'est sur l'album Some Enchanting Evening, leur deuxième album live sorti en septembre 1978. Mais il a été enregistré en deux fois, le 31 décembre 1977 et le 1er juin 1978. On retrouve Are You Ready to Rock, Astronomy et Godzilla. We'll be right back.

le bouc et la bête. Rien qu'un vieux chien sur mon chemin me traverse. Rien qu'un vieux chien, pas de pierre sur ma terre. Light on her feet.

Vous êtes toujours dans la spéciale 145e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Magic Bus en live des Who. On a eu ensuite la Bohème et Satan, le nouveau Vaudou Joséphine. On a eu ensuite Last Night en vinyle de Traveling Wilburys. On a eu ensuite Peuple du Monde en vinyle de Tonton David. Et on a fini ce bloc en vinyle et en live avec Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. On continuera cette émission en live et en vinyle avec We Live for Love de Pat Benatar. C'est sur l'album Indie Heat of the Night, son premier album, sorti le 27 août 1979. On retrouve Heartbreaker, I Need a Lover, Indie Heat of the Night, une jolie pipite rien que pour vous. On écoutera ensuite Coco D-Rock en cassette de Alpha Blondie. C'est sur l'album Coco D-Rock, son deuxième album, sorti en 1984. On retrouve Terre, Interplanetary Revolution et Boris Amoni, un classique. On écoutera une nouveauté, I Hate You de Schultz, c'est sur l'album Shot of Pains qui sortira le 6 mars prochain. Des nouvelles très vite, on les retrouve sur Facebook, YouTube. D'ailleurs, le clip I Hate You est déjà visible sur YouTube et bientôt sur toutes les plateformes numériques. On continuera avec Move Over en vinyle de Janis Joplin. C'est sur le Greatest Hits sorti le 1er juillet 1973. On retrouve Piece of My Heart, Trial Just Beat Harder, Down on Me, enfin du son cul. Et on finira ce bloc en live avec Down the Boozer de The Mahones. C'est sur l'album Rise Again sorti le 11 septembre 1996. On retrouve Snake Charmer, Pain the Town Thread et One Star Hotel. Ils sont québécois et c'est de la hoï, on va en prendre plein la gueule. Ils sont sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Contagious. One kiss is là. Coco, coco, coco de Rasta. Coco, coco na, coco de rap. Coco, coco, coco de Rasta. Somebody, somebody is working out the sound system. The sound system. Say Jaja rhythm. Jaja rhythm. You're moving through space and time. Brother Tom Field ain't got no fear. He's beating down the bass line. Why don't you get on board the Zion Express? Coco, coco, it's coco de rap. Coco, coco, it's coco de rasta. Rasta lady, yeah. Coco, coco now, coco de rap. Coco, coco, it's coco de rasta. Now Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. You know that I need a man. back here in Italy, everybody. Thank you, Rock and Ring, for having us here tonight. Oi, oi, oi, merci Camarade B pour cette super découverte des Mahones. Vous êtes toujours dans la 145e spécial Vampire Freaks. On vient de s'écouter Willie for Love en vinyle et en live de Pat Benatar, Coco D-Rock en cassette de Alpha Blondie. On a eu I Hate You, le nouveau Schultz. Ça envoie ça aussi, Schultz. Et là, je vais recevoir l'album bientôt. Il y en aura d'autres. On a eu ensuite Move Over en vinyle de Janis. Et on a fini avec Down the Boozer de The Mahones en live. On continuera cette émission en cassette et en live avec Lovely Up Yourself de Bob Marley and the Wailers. C'est sur le Live at the Lyceum, sorti le 5 décembre 1975. Et il a été enregistré donc au Lyceum Theatre de Londres les 17 et 18 juillet 1975. On retrouve, c'était pendant la tournée de Natty Dread. On retrouve Trench and Rock, No Woman No Cry et I Shot the Sheriff. On écoutera ensuite The Price, le nouveau Wood Unit. C'est sur l'album Memories from Shit Hole, sorti le 29 octobre 2018. On retrouve Come On, Love Me, Because You're Mine et Redrum. Ils sont chez Kebra Records, c'est un super album et moi je les adore. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube, Soundcloud et toutes les plateformes numériques. On écoutera une autre nouveauté, Rides and Axe de Blackout Arise. C'est le premier single d'un EP à sortir au printemps, des nouvelles très vite. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite The Hardest Part, en vinyle de Blondie. C'est sur l'album Hit to the Beat, son quatrième album, sorti le 13 octobre 1979. On retrouve Dreaming, Die Young, Stay Pretty, Atomic, du son culte. Et on finira ce bloc en live avec Dès que le vent soufflera de Renaud. C'est sur l'album Visage pâle rencontré public, sorti en 1989. Une partie a été enregistrée durant le printemps de Bourges le 2 avril 1989. Et la chanson Jonathan, la dernière de l'album, a été enregistrée au Zénith en 1988. On retrouve Santan, Miss Maggie, Socialiste, etc., etc. Et pour moi, c'est le meilleur album de Renaud en live. You want to go deep, rock, so you rock, so

Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. You just how helping, nothing thinking about.

Voilà, ça c'était du grand Renaud. Vous êtes toujours dans la 145e spécial Vampire Freaks. On vient de s'écouter Lively Up Yourself en cassette et en live de Bob Marley and the Wailers. On a eu ensuite The Price, le nouveau Wood Unit. On a eu ensuite Right and Axe, le nouveau Blackout Rises. On a eu ensuite The Hardest Part, en vinyle de Blondie. Et on a fini ce bloc en live avec Dès que le vent soufflera, tadazin, de Renaud. On continuera cette émission en live avec John Lee Hooker. Le morceau c'est Bom Bom Bom, c'est sur le Live in Chicago de WXRT Broadcast, sorti en 2018. On retrouve You Know It Ain't Right, One Bourbon, One Scotch, One Beer et Boogie Chillen, un des grands noms du blues. On écoutera ensuite une nouveauté, Good Day, le nouveau Dead in 1985. C'est sur l'album Hyper Préquentiel, sorte de leur premier EP City, sorti le 7 novembre 2018. On retrouve Good Day, After the Grave, L'Inconnu, Aquabon et Hors Special Day et Ils Disent. Ils sont français. On les retrouve sur Facebook, YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, on retrouve le clip de Good Day et de Aquabon. On les retrouve sur Bandcamp. L'album est en téléchargement à prix libre. Et sinon, ils sont sur toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite un petit live, Keep Him Away de Slakers. C'est sur l'album The Question, sorti le 20 novembre 1998. On retrouve Manuel, Hate the Time et Do You Know. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Rap To Vampire en cassette des Inconnus. C'est sur une cassette de titres. On retrouve Rap To et Chagrin d'amour de Félix Grave et Didier Barbelavie, qui est une parodie de Félix Gray et Didier Barbelivien. C'était sur leur premier album Bouleversifiant, sorti le 11 septembre 1991. On retrouve Negra Bouche Beat, C'est toi que je t'aime, C'est ton destin, Auteuil-Neuilly Passy et Isabelle a les yeux bleus. Je tenais sincèrement à remercier Bernie pour tous ces petits sons de mon enfance. Ça fait énormément plaisir. On finira ce bloc avec I Don't Care en live de Fall Out Boy. C'est sur le Live in Tokyo en 2013. On retrouve Thriller, Grand Theft Auto et Dance, Dance, Dance. Boom, boom, boom, boom. Shoot you right down. Out for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. Just like you like that. When you talk like that, you knocks me dead. Get off of my feet. Oh, oh, oh. walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, she knocks me dead. Right off of my feet. Ow, ow, ow, ow. I can see corpses on a tree.

it's a fact. I said, I think we can resist the way she feels. Long as it's a fact. I said, I don't care. On vient de s'écouter Bom Bom Bom en live de John Luker, Good Day, le nouveau Dead in 1985, donc Dead in 1985. On a eu ensuite Keep Him Away en live des Sleekwares. On a eu ensuite Rap to Vampire en cassette des Inconnus. Et on a fini ce bloc en live avec I Don't Care des Fall Out Boy. 745e Vampire Fix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. J'espère que vous avez profité de cette programmation. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude et ça fait plaisir. On me dit toujours, ouais, tu remercies jamais les radios et tout. Alors, je vais remercier donc toutes les radios qui nous diffusent, qui diffusent. Donc, il y a Fashing Web Radio au Canada, le groupe Spirit Web Radio, donc avec ASW et Indé Spirit, Arden Café, Radio Heavy Metal 76, Fréquence Creuse, Allo Kazik. Web Radio Trafic de Rock, et on est aussi sur Groupe Actif, il y a Longway Rock et il y a aussi Stone Rock. Voilà, je remercie toutes les personnes de me faire confiance depuis quelques temps maintenant. On finira cette émission avec The Beginning de Garrigo. En fait, c'est la bande originale du film Unfed, Friend Request, sorti en 2016. C'est un film qui me fout la trouille à chaque fois que je le revois. Et si vous avez l'occasion, si vous l'avez entre les mains, allez y faire un tour. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite et sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu!